du matin. Et je ne peux plus dormir, les idées dans ma tête n'arrêtent plus de tourner. J'ai comme un mal de vivre, mais ne veux pas mourir. Je voudrais repartir et tout recommencer. J'ai un goût dans la bouche persistant et amer, comme le goût des larmes, l'envie de tout changer, de me retrouver seul, de repartir en guerre, de refaire ma vie et de tout balayer. J'ai envie de sourire, d'embrasser tout le monde, de donner ma confiance, apprendre à être aimé, à ne pas me durcir quand la colère gronde. Face à tous les sarcasmes, les mots empoisonnés, mon cœur est une bombe au milieu de ma poitrine, prêt à tous les excès, même les plus risqués, pour effacer l'angoisse et l'amour qui me mine, pour arriver à vivre ce à quoi j'ai rêvé. Mes mains toujours tendues, petit à petit se ferment. Fatigué le nez, sans avoir de retour. J'ai envie de crier mon amour et ma haine. Mais ma bouche se ferme un peu plus chaque jour. Il ne me reste plus comme moyen pour tout dire que mes vers, mes chansons vont à te griffonner sur un bout de papier que j'ai peine à relire. Tant les mots sortent vite de ma tête embrouillée, je laisse mon esprit s'envoler vers le ciel, vagabonder tout seul au gré de mes pensées. Mon corps devient léger comme le goût du miel, jusqu'à ne plus sentir la terre sous mes pieds. Lorsque je n'aurai plus ce besoin, cette envie, je sais qu'à ce moment-là, mon heure aura sonné. Je dirai au revoir, adieu à mes amis. Mais au fait, où sont-ils? Ils ont dû m'oublier. Mais je n'en suis pas là, je compte bien survivre, reprendre à zéro, repartir du bon pied, refaire autour de moi un monde de sourires, d'amour et de tendresse, et aussi d'amitié. C'est 5h du matin et je ne peux plus dormir, les idées dans ma tête n'arrêtent plus de tourner. J'ai comme un mal de vivre mais ne veux pas mourir. Je voudrais repartir et tout recommencer. Et tout recommencer.